données trompeuses sur la pandémie des non-vaccinés. Ce matin, la radio Deutschlandfunk a diffusé ceci. Le ministre allemand de la Santé, M. Spahn, pense à faire un sondage sur le statut de la vaccination. M. Spahn a déclaré sur la chaîne de télévision ARD qu'il n'est pas encore sûr qu'il faille changer la loi à cette fin. Cependant, il va de plus en plus dans la direction où les employeurs seraient autorisés à demander à leurs employés, au moins pendant quelques mois, s'ils ont été vaccinés contre le Covid-19. Presque quotidiennement, de nouvelles mesures restrictives contre les non-vaccinés sont annoncés, qui annulent la loi en vigueur jusqu'à présent. Pourquoi ? Ils représenteraient un danger pour la société, comme le prouvent clairement les chiffres d'incidence. Le 28 août, la radio BR cite le ministre bavarois de la Santé, M. Holenschek. Les chiffres le prouvent, c'est la pandémie des non-vaccinés. Le 27 août, le groupe de journaux allemand RND écrit « L'État de Schleswig-Holstein présente séparément les chiffres d'incidence des vaccinés et des non-vaccinés. La tendance est claire. » Mais la tendance est-elle vraiment si claire? Le biologiste et écrivain autrichien M. Clemens Harvey a une explication simple du chiffre d'incidence, parfois fortement élevé, chez les personnes non-vaccinées. Avec le slogan « pandémie des non-vaccinés », on divise la société. Par de telles déclarations irresponsables, on attise l'hostilité envers les personnes qui hésitent à se faire vacciner pour des raisons le plus souvent réfléchies. C'est très inquiétant, d'autant plus que la courbe qui est actuellement présentée en Autriche comme un nouvel outil de propagande est fausse. On y constate une augmentation du nombre d'infections chez les non-vaccinés et une évolution beaucoup plus faible des infections chez les vaccinés. Ces données sont inadéquates et il est difficile de croire que ce matériel inadéquat est encore utilisé dans les médias et par les politiciens. On ne tient absolument pas compte du fait que les personnes non vaccinées doivent être testées pratiquement en permanence, même sans occasion, en raison du pass sanitaire. De nombreuses personnes ont fait au moins un test antigénique tous les jours ou toutes les 48 heures afin d'être en mesure de mener leurs activités quotidiennes. En revanche, il n'y a plus de test obligatoire pour les personnes vaccinées pendant des mois. La probabilité de cas légers atypiques et asymptomatiques enregistrés chez les non-vaccinés dans le cadre du dépistage permanent est significativement plus élevée que chez les personnes vaccinées. Par contre, à cause de rapports médiatiques déformés, les personnes vaccinées qui n'ont pas eu à subir de tests obligatoires depuis des mois partent du principe que d'une part, elles sont protégées à presque 100% et que d'autre part, elles ne sont guère contagieuses. Ainsi, pour des raisons compréhensibles, ces personnes vont beaucoup moins se faire tester. Cette déformation a une grande importance dans le cas d'une infection comme le SARS-CoV-2, où il y a un grand nombre de cas légers et à faibles symptômes jusqu'à l'absence de visibilité de l'infection. Chez les non-vaccinés, tous ces cas sont enregistrés par le dépistage permanent. Chez les vaccinés, ils ne le sont pas. Les données qui sont diffusées ici de façon négligente et trompeuse à des fins de propagande doivent être remises en question. La courbe est plus ou moins inutilisable. Malgré tout, elle est utilisée pour créer la méfiance contre les non-vaccinés et même pour les rendre responsables de la pandémie des non-vaccinés. Je suis stupéfait, chers amis, stupéfait. Je reçois quotidiennement des lettres de personnes du secteur de la santé qui ont du mal à supporter la pression au travail. J'ai maintenant décidé de démarrer un réseau pour les non-vaccinés dans les professions de santé et de soutenir ce réseau. Si vous travaillez dans le secteur de la santé et que vous êtes intéressé par ce réseau, veuillez écrire à network@arway.info. Votre lettre sera traitée de manière strictement confidentielle. Vous n'êtes pas seul. Bien à vous, Clemens Harvey. Euer Clemens Harvey. De toute évidence, les chiffres ne sont pas aussi clairs qu'on le proclame unanimement. En réveillant les personnes qui sont encore informées de manière unilatérale, il est possible de lutter contre une intimidation et une division massive de la société.